Fin août, le gouvernement annonçait son intention de réintroduire dès 2021 des néonicotinoïdes pour protéger les betteraves sucrières d'un puceron, vecteur du virus de la jaunisse modérée qui, comme son nom l'indique, fait jaunir les betteraves. Branle-bas de combat des associations écologistes qui dénoncent l'extrême dangerosité de ce type d'insecticide, progressivement interdit depuis que l'on s'est rendu compte qu'ils étaient responsables pour grande partie du syndrome d'effondrement des colonies d'abeilles, ainsi que probablement de la chute vertigineuse des populations d'insectes, jusqu'à moins 80% constatée ces dernières années. Alors que sont ces molécules et pourquoi sont-elles si dangereuses ? Néonicotinoïdes, le retour des tueurs d'abeilles, c'est le programme agricole qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour comprendre la nature de ces insecticides, comment ils ont été développés, comment ils agissent sur les plantes et sur l'entomofaune, soit l'intégralité de la population d'insectes, et peut-être aussi sur les gros mammifères que nous sommes, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Bonmatin. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes chimiste et toxicologue CNRS au Centre de biophysique moléculaire d'Orléans. Et Christian Huyghe, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur scientifique agriculture à l'INRAE. Mais pour commencer, celle qui butine chaque jour le pollen de l'actualité de la recherche, pour vous en livrer le meilleur miel, c'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal avec la découverte en Sibérie des restes fossiles d'un ours vieux d'au moins 22 000 ans. Oui, les glaces du Pergélisol sont une aubaine pour les paléontologues. On avait déjà trouvé un bébé mammouth, des canidés, des lions. Là, des scientifiques russes ont découvert un ours des cavernes et un ourson dans un état de conservation unique. Ils sont complètement préservés avec tous les organes internes en place. Les images sont d'ailleurs assez impressionnantes. Même leurs truffes et leur pelage sont intacts. Il s'agit d'Ursus spelaeus, une espèce préhistorique qui vivait en Eurasie au Pléistocène moyen et tardif, une espèce disparue il y a environ 15 000 ans. Ces spécimens seraient vieux de 22 000 à environ 40 000 ans. Il manque une analyse au radiocarbone pour affiner la datation, mais c'est la première fois que l'on trouve un ours préhistorique dans un tel état de conservation. Jusqu'à présent, nous n'en avions que des ossements. Dominique Armand est paléontologue à l'université de Bordeaux 1. Elle est spécialiste de l'ours fossile. Alors, c'est important parce que ils vont permettre des analyses qui ne sont pas autorisées sur des reliefs, enfin des reliquats ou des ours, des spécimens d'ours qu'on ne retrouve que sous forme osseuse. Parce que de l'ours des cavernes, on en retrouve pas mal dans les grottes en Eurasie, disons. Et souvent, enfin, il y a certaines grottes, par exemple dans les Pyrénées, où on a retrouvé des milliers d'ossements. Mais dans ces grottes, les conditions de conservation sont évidemment bien moins bonnes pour tout ce qui est organique. Là, ce qui est organique est là. Alors, par exemple, on va pouvoir imaginer qu'on va pouvoir analyser le contenu de l'estomac, comme ça a été fait pour certains mammouths, et savoir exactement, ou plus précisément encore, quel était son régime alimentaire. On peut imaginer aussi qu'on pourra analyser des maladies, parasites, enfin tout ce qu'on peut imaginer de cet aspect-là, de la santé de ces ours. Et puis également, faire de la génétique, parce que l'ADN n'est pas toujours conservé dans des spécimens de cette période. Là, si j'ai bien compris, enfin d'après ce qui est annoncé, il a entre 20 000 et 40 000 ans, en gros, et l'ADN n'est pas toujours conservé. Alors là, on peut penser, étant donné qu'il y a beaucoup de matière organique encore présente, que l'ADN sera là bien présent. Et donc, ça permettra d'affiner ce qu'on sait de l'arbre généalogique de cette espèce. Et si vous voulez voir les photos un peu impressionnante tout de même, il faut bien le dire, de ces ours congelés. Vous pouvez les voir via notre fil Twitter, @lamedolafc, fil qui sera également posté sur le site de l'émission sur franceculture.fr. Et on passe au bref. La Française Catherine Dulac est lauréate 2021 des Breakthrough Prize. Originaire de Montpellier, cette chercheuse en neurobiologie est professeure et directrice de laboratoire à Harvard. Elle est connue pour avoir identifié des circuits neuronaux chez la souris, et en l'occurrence, ceux qui dictent le comportement parental des souris. Selon elle, cette découverte pourrait s'étendre à d'autres espèces, et notamment les humains. Ce prix américain est doté de 3 millions de dollars. Catherine Dulac a annoncé qu'elle offrait une partie de son prix à différentes causes humanitaires, telles que l'éducation des femmes, la santé et des populations défavorisées. Selon une étude parue dans la revue Nature Communications, la croissance des nanoparticules d'or à l'intérieur de tumeurs pourrait aider à tuer les cellules cancéreuses. Et l'or a des propriétés tout à fait étonnantes lorsqu'il est sous forme de particules de taille nanométrique. Des chercheurs américains ont réussi à faire pousser des nanoparticules d'or directement à l'intérieur des cellules cancéreuses. Pour faire entrer ces substances à l'intérieur des tumeurs, l'équipe a utilisé le polyéthylène glycol pour délivrer de l'or ionique, qui est essentiellement des sels d'or dissous dans un liquide. Lorsqu'il est introduit dans le cancer, l'environnement cellulaire acide convertit l'or de sa forme ionique en nanoparticules d'or. Lors de tests sur une souris, ils ont d'abord fait pousser des nanoparticules d'or à l'intérieur des tumeurs de souris vivantes, puis les lasers ont ensuite tué les cellules cancéreuses. Et enfin, selon une étude parue dans la revue Cortex, un somnifère aurait éveillé un patient qui souffre d'un grave trouble de l'éveil. Et les troubles de l'éveil peuvent se produire après un accident cérébral. Ils sont très handicapants, avec des troubles moteurs sévères, des difficultés à rester éveillé, une apathie et un mutisme. C'est ce qui était arrivé à ce Néerlandais de 37 ans qui souffrait d'une grave lésion cérébrale. Depuis 8 ans, on ne constatait aucune amélioration de son état, jusqu'à ce que sa neurologue lui fasse prendre une dose de somnifère, du zolpidem. 20 minutes après la prise, le patient s'est remis à parler et à marcher, avant que les effets ne se dissipent 2 heures plus tard. Par la suite, le médicament a rapidement cessé de faire effet. Le mécanisme des effets paradoxaux de ce somnifère reste inconnu. Les auteurs écrivent cette conclusion. Ce n'est pas très rassurant quand, pour les gens qui prennent du zolpidem, mais on en prend de moins en moins, c'est très contrôlé, c'est assez dangereux comme molécule. Merci beaucoup Natacha. Merci. Et à demain pour le prochain Journal des Sciences. Des fois, l'écologie et l'économie, c'est compliqué, Barbara Pompili. Le gouvernement a autorisé hier, jusqu'en 2023, l'utilisation de néonicotinoïdes dans les champs de betteraves, victimes en ce moment de la jaunisse transmise par le puceron vert. Je voulais d'abord qu'on réécoute ce que vous disiez à propos des néonicotinoïdes en 2016. Si on commence à dire on interdit là où il y a des alternatives, mais on fait des dérogations et on les laisse courir dans le temps, on sait très bien que ça, c'est la porte ouverte au fait qu'il y ait certains néonicotinoïdes qui ne soient jamais interdits. Oui. Vous avez mangé votre chapeau. Absolument pas, absolument pas. Les néonicotinoïdes, aujourd'hui, ils sont quasiment tous interdits. Et si j'avais pas dit ça à l'époque, aujourd'hui, ils ne seraient pas interdits. Aujourd'hui, on a 90% des néonicotinoïdes interdits. On a un problème sur les betteraves. Pourquoi ? Il y a 4 ans, quand j'ai dit cette phrase, on avait le temps de le faire. D'ailleurs, la présidente de la FNSEA nous dit aujourd'hui, il nous faut 2-3 ans pour trouver des solutions. Donc on avait le temps, sauf que ça n'a pas été fait. Parce que la filière a pas bougé ce qu'il fallait, parce que la recherche n'a pas avancé suffisamment, parce que l'État n'a pas assez piloté. On a perdu 4 ans. Et donc moi, quand j'arrive aux responsabilités, je me rends compte que ce qui aurait dû être fait en 4 ans n'a pas été fait. Donc après, on peut pleurer ou on peut se retrousser les manches et dire, maintenant on va le faire pour que définitivement les néonicotinoïdes soient interdits. Mais en attendant, on aura le droit de mettre des semences enrobées de néonicotinoïdes dans les champs de betteraves pour qu'il n'y ait plus les pucerons verts qui viennent leur donner la jaunisse. Le moins longtemps possible, et les filières, là, vont devoir travailler très vite à trouver les alternatives, parce qu'après ce sera terminé. Donc si on veut encore, et ça moi j'appelle tout le monde, si on veut encore avoir de la betterave sucrière et une industrie du sucre en France dans les années qui viennent, on doit trouver les alternatives. Là maintenant, on n'attend plus et on ne laisse plus traîner comme ça a été fait depuis 4 ans. Voilà, Barbara Pompili, la ministre de la Transition écologique, c'était le 4 septembre dernier sur une chaîne d'information en continu. La décision du gouvernement de réautoriser l'emploi de néonicotinoïdes pour la culture de betteraves sucrières, comme vous l'avez entendu, qui est touchée par un virus inoculé par des pucerons, eh bien cette décision a suscité beaucoup de réactions très vives, notamment évidemment dans les rangs écologistes. Il faut dire que les néonicotinoïdes, depuis leur introduction au début des années 90, ont fini par être peu ou prou tous interdits ou retirés suite aux confirmations scientifiques de leur nocivité au premier chef sur les colonies d'abeilles, mais également sur tout ce qu'on appelle l'entomofaune, c'est-à-dire l'intégralité des populations d'insectes dont de récentes études ont montré la chute vertigineuse jusqu'à moins 80% d'insectes dans les champs en 3 ans. Alors peut-être un mot pour commencer sur cette décision du gouvernement qui divise un peu les scientifiques. Certains estiment que c'est une réautorisation mesurée qui n'aura pas beaucoup d'effet ou très peu d'effet. D'autres estiment au contraire que c'est une aberration vaccination complète. Votre point de vue, peut-être Christian Huyghues, pour commencer. Bonjour. D'une façon générale, on ne commande pas les décisions, des décisions du gouvernement. On est dans une configuration où il y a une crise extrêmement importante, une année 2020 qui est sur le plan climatique assez exceptionnelle et qui met effectivement un risque important de pression liée aux pressions des pucerons, liée à l'inoculation des virus, liée à une expansion extrêmement large. Et donc, on est face à la question, existe-t-il une alternative opérationnelle à grande échelle ? C'est la question posée par Barbara Pompili. Et de fait, malgré tout le travail qui a été fait depuis 4 ans, et il y a eu beaucoup de travail qui a été fait, on n'a pas une alternative opérationnelle à grande échelle. C'est-à-dire à grande échelle utilisable par tous les producteurs de betteraves, et opérationnelle, c'est-à-dire on essaie de temps en temps de faire passer l'idée qu'on a une substitution exacte aux néonicotinoïdes. De fait, ce que l'on sait maintenant, c'est qu'on ne doit pas avoir du tout la même approche. Il n'y a pas de produits, ni même de technologies qui vont être une substitution exacte aux néonicotinoïdes. Il faut des approches beaucoup, beaucoup plus complexes qu'on pourra développer plus tard dans l'émission. Et donc, on peut à la fois comprendre l'émoi des producteurs de betteraves, la difficulté devant laquelle on se trouve et donc la difficulté politique de prendre une décision autour de ça. Jean-Marc, bon matin. J'imagine que vous partagez pas tout à fait ce point de vue, que pour vous, cette décision est plus critiquable. Oui et non. Il faudrait déjà définir de quoi on parle et se rendre compte que ces insecticides, ils ont certaines propriétés, alors très pratiques pour le monde agricole, je n'en disconviens pas, mais ils ont certaines propriétés qui posent des problèmes à l'entomofaune, donc à tous les insectes, et puis à la biodiversité en général. Alors, pour vos auditeurs, je rappellerai quand même qu'il faut faire la différence entre les herbicides... Alors, on va y revenir. Je vous arrête, Jean-Marc, bon matin, parce qu'on va dire tout ça, on va refaire un peu le tour et expliquer exactement ce que sont les néonicotinoïdes, mais vraiment, à proprement parler, est-ce que vous pensez que cette décision, là, aujourd'hui, de réautoriser partiellement les néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves, c'est une erreur, ou est-ce que ça peut se comprendre, est-ce que ça peut être légitimé bien par la situation que vient de décrire Christian Huyghues, à savoir une année particulière, une attaque très forte, beaucoup de pucerons sur les betteraves, qu'en pensez-vous? Oui, moi je reprendrai la phrase de Barbara Pompili d'il y a quelques années, si on laisse la porte ouverte, j'ai peur qu'elle ne se referme jamais. Or, la situation de la biodiversité est telle aujourd'hui qu'elle nécessite des décisions extrêmement fortes. Alors je comprends que d'un côté on a de la production de betteraves, on a les industries du sucre qui sont à la peine parce que les événements climatiques et le réchauffement climatique d'ailleurs dont on ne s'est pas encore débarrassé et dont on se débarrassera probablement jamais, font que les pucerons envahissent les champs de betteraves. Mais je crois que d'un côté on a cette problématique là et puis de l'autre côté on a une problématique qui à mon avis a une ampleur beaucoup plus importante, qui est celle de la qualité de notre environnement, la biodiversité et même la santé publique. Donc si on met en balance ces choses-là, je trouve qu'il y a une disproportion qui mérite qu'on s'attarde longuement sur des dérogations à accorder ou pas aux néonicotinoïdes. Christian Huyghues, un mot pour conclure sur cette question vraiment d'actualité, c'est-à-dire à savoir cette question autour des betteraves sucrières. J'ai lu, mais je parle sous votre contrôle, que les betteraves guérissent seules de cette jaunisse modérée en 3 mois. Donc il faut évidemment tenir ces 3 mois, ce qui peut créer des pertes très intenses. Mais est-ce que c'est vrai que les betteraves se remettent et finalement réussissent à se soigner de cette maladie par elles-mêmes? En fait, ce qui se passe, c'est que on voit apparaître au bout d'un temps relativement long des phénomènes de prémunition. C'est-à-dire, les betteraves, effectivement, elles ont été exposées à un virus et elles deviennent progressivement résistantes au cortège de virus. Mais vu comment fonctionne une betterave sucrière, c'est un capteur solaire, une betterave sucrière, vous avez des grandes feuilles qui produisent des sucres et les sucres sont stockés directement presque sans transformation au niveau de la racine. S'il vous manque 3 mois, vous avez 3 mois sans croissance et donc de fait vous avez une culture qui produit extrêmement peu. Donc on est comme l'a dit ce bon matin avec une vraie question de tension entre une performance économique et une performance environnementale. Et ce que l'on doit vraiment construire, et c'est ça tout le cœur de la recherche qui est conduite, en particulier dans mon institut, c'est comment on arrive à avoir de la performance productive et en même temps un respect total de l'environnement. Je partage la préoccupation de M. Bonmatin de dire effectivement, on a une question de qualité d'environnement qui doit être extrêmement présente à l'agenda. C'est notre responsabilité pour notre génération, c'est une responsabilité vis-à-vis de la génération d'après. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons des néonicotinoïdes en compagnie de Jean-Marc Bonmatin et de Christian Huy. Alors, je le disais à l'instant, on va revenir à la source. Les néonicotinoïdes, c'est une molécule relativement récente qui a été mise sur le marché à la fin des années 80, début des années 90. Peut-être qu'on peut rappeler exactement, Jean-Marc Bonmatin, qu'est-ce que c'est qu'un néonicotinoïde précisément ? Oui, alors pour vos auditeurs... déjà, il faut faire la distinction entre les herbicides, par exemple le fameux glyphosate dont on parle beaucoup, les fongicides qui donc s'attaquent aux micro-champignons, on parle beaucoup des SDHI en ce moment, et puis là on est dans le cas des insecticides, donc qui combattent les insectes ravageurs, et l'exemple, l'archétype des insecticides les plus utilisés au monde, ce sont les néonicotinoïdes, donc objet de notre conversation. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ces néonicotinoïdes, au départ, ils sont construits à partir de la molécule nicotine, donc d'où leur nom, nouveau nicotinique. Et ce sont des organos, des organos chlorés. Oui, je suis désolé, je n'avais pas coupé le téléphone. C'est pas grave, on vous en veut pas. Téléphone. Voilà. Ce sont des organochlorés et qui attaquent le système nerveux central, donc les récepteurs nicotiniques de l'acétylcholine, pour être précis. Et donc, ils sont utilisés parce qu'ils sont systémiques, c'est-à-dire qu'ils sont souvent utilisés en traitement de semences. Ils enrobent la semence au moment du semis, puis ils diffusent dans l'eau du sol, dans la plante. Ils contaminent ou ils protègent la plante des insectes piqueurs et suceurs, par exemple, ou des insectes du sol. Et puis, c'est un traitement au départ qui sert pour toute la vie de la plante jusqu'à la récolte. Mmh. Christian Huyghe, Jean-Marc Bonmatin, je vous laisse conclure et puis je donnerai la parole à Christian Huyghe après. Ils ont été introduits au milieu des années 90 en France et tout de suite sont apparus les problèmes d'abeilles. Et c'est comme ça que l'affaire a commencé. Mmh. On va revenir là-dessus. Christian Huyghe, pour continuer justement à bien comprendre comment cela se passe. Alors, je crois qu'aujourd'hui, des néonicotinoïdes, on en compte 7, c'est cela ? On en compte 7, il y en a... Il y en a qui n'ont jamais été homologués en France, et il y en a trois qui sont beaucoup utilisés en traitement de semences, dont le plus utilisé qui est l'imidaclopride. Pour compléter ce que me disait Monsieur Bonmatin sur le mode de fonctionnement, par rapport à notre histoire de notre fameux puceron, qui est le puceron vert, qui véhicule non pas un virus mais quatre virus de la betterave. En fait, c'est pas le puceron en tant que tel qui provoque le moindre dégât, c'est uniquement le fait d'inoculer quelque chose. La difficulté, c'est que quand il pique une ou deux fois, il a inoculé le virus. Et donc, c'est pour ça que les néonicotinoïdes ont eu un effet absolument remarquable, parce que l'insecte vient, il pique, il prélève un peu de sève élaborée, et hop, il n'a plus la capacité à faire quoi que ce soit, et donc il ne peut pas répandre la maladie aux betteraves d'à côté. Et donc, effectivement, c'était avec une vision de protection sans se préoccuper de l'ensemble des impacts environnementaux, c'était une solution absolument qui pouvait apparaître comme étant presque miraculeuse. Mais effectivement, dès les années 90 en France, avec des travaux où le CNRS et l'INRA à l'époque ont beaucoup contribué, on a mis en évidence très vite les incidences sur les abeilles, en particulier le comportement des colonies d'abeilles et le fait que les abeilles se perdent. Pour rester un peu, on va en venir aux effets bien entendu, mais pour bien comprendre comment ça marche et comment ça a été mis sur le marché, donc vous le disiez Jean-Marc Bonmatin, c'est vraiment on met les néonicotinoïdes, on enrobe la graine autour, et alors en fait ça veut dire que toute la graine quand elle va pousser va puiser dans cette gangue d'insecticides, c'est-à-dire que tous les néonicotinoïdes vont infuser la plante et vont être utilisés à 100% ou à mon avis un petit peu moins que ça. Oui, lors des homologations de ces produits, il y a un certain nombre d'hypothèses hasardeuses qui ont été faites, dont nous avons démontré d'une manière générale à la communauté scientifique qu'elles étaient fausses. Par exemple, que l'insecticide allait diffuser dans la plante, il était fait pour ça, et donc protéger la plante pendant toute sa durée de vie. Mais par exemple, en parlant des abeilles, il n'était pas censé remonter jusqu'aux fleurs, contaminer les pollens et les nectars, et donc l'abeille n'était pas supposée être exposée à ces insecticides. Parce qu'il faut bien comprendre que ces insecticides, en bloquant le système nerveux central, c'est un petit peu comme s'il générait une crampe généralisée. hein, au niveau des muscles. Et vous savez, tout le monde sait ce que c'est qu'une crampe au mollet. Bon, ben, vous imaginez une crampe généralisée, y compris au niveau du cœur. Et ben, forcément, l'insecte qui est exposé à une plante contaminée, entre guillemets, eh ben, il va mourir immédiatement dans les quelques secondes ou les quelques minutes selon sa taille. Mais ce qu'il advient pour les insectes ravageurs est exactement la même chose pour les insectes utiles, comme les abeilles, par exemple, qui pollinisent. Donc, comme ces pesticides attaquent le système nerveux central de tous les insectes, et on pourra en parler peut-être aussi des vertébrés, évidemment, ils sont très large spectre, et donc il faut absolument les limiter aux ravageurs, mais ça, c'est quasiment impossible. Mais alors, du coup, j'ai une question peut-être de béotien, Christian Huyghe. Comment se fait-il que lorsqu'on s'est rendu compte de l'extrême efficacité, hein, parce que ça marche sur 100% des insectes, de ces néonicotinoïdes sur les insectes parasites que l'on souhaitait viser, comment se fait-il que personne n'ait pensé, ou alors je suis vraiment quelqu'un de très naïf, que ça puisse avoir des effets indésirables sur d'autres types d'insectes? C'est difficile de réécrire une histoire 30 ans après. Hein. Ces études-là, elles datent du début des années... Effectivement, comme le disait M. Bonmatin, du début des années 90, et quand on regarde les documents d'homologation, que ce soit de l'acétimipride qui est un néonique utilisé en végétation ou du limidacloprid, on a des documents qui datent, oui, effectivement, des travaux faits par l'entreprise qui les a synthétisés, par l'entreprise de la phytochimie, qui sont tout début des années 90. Donc effectivement, est-ce qu'à l'époque, ils ont... mal quantifier les incidences, sans doute, lors de l'homologation, cet élément-là n'a pas été pondéré suffisamment, vraisemblablement, sinon on ne serait pas, avec les décisions de discussion qu'on évoquait tout à l'heure en 2016 au Parlement et celles qui reprennent aujourd'hui. Et puis, ce qu'il faut aussi avoir présent à l'esprit, c'est le fait que au fil du temps, on ne donne pas la même pondération aux différents indicateurs de performance, aux différents éléments qu'on cherche à mesurer. Donc, c'est sans doute ces éléments-là qui sont à prendre en compte. Ce qu'il faut aussi intégrer, c'est l'extrême efficacité conduisait à penser qu'on pouvait réduire énormément les doses apportées. Mmh. Et c'est pour ça que l'orientation avait été prise à l'époque de chercher plutôt des traitements de semences qui apportent la molécule immédiatement à proximité de la graine qui germe. La molécule étant essentiellement absorbée par la radicule qui sort de la graine et qui va s'enfoncer dans le sol, et avec tous les pôles absorbants qui vont capturer une partie des néonicotinoïdes. Donc le choix avait été fait d'en apporter le minimum via les traitements de semences plutôt que d'en apporter en végétation. L'autre option, hein, qui était celle qu'on utilisait, qui était utilisée sur betteraves et sur d'autres pucerons avant les néonicotinoïdes, c'est un traitement dit en plein. D'ailleurs, on pulvérise partout. Et effectivement, là, on a d'autres impacts sur le milieu, à savoir des phénomènes de dérive, des phénomènes de volatilisation. Donc, il y a un choix qui avait été fait à l'époque et qui est reposé en particulier sur le fait que on les mettait au niveau du sol, on les mettait des très faibles quantités sur les graines. Et on l'a, en particulier quand on utilise sur une betterave, les betteraves, on met de l'ordre de 15 graines par mètre carré. Donc, c'est pas des quantités exorbitantes. Donc, c'est sans doute ça qui avait pesé à l'époque. Et si on est là pour en parler aujourd'hui, c'est parce que les décisions à l'époque, la pondération, n'a pas été totalement satisfaisante. Je précise, hein, pour nos auditrices et nos auditeurs, que l'imidacloprid dont vous parlez, c'est ce qu'on a longtemps appelé le gaucho, qui a été commercialisé sous le nom de gaucho et qui a été l'une des premières cibles, l'un des premiers nicotinoïdes interdits. Peut-être un mot tout de même, Jean-Marc Bonmatin, pour dire que ce que j'essayais de vous faire dire tout à l'heure, c'est que dans cette gangue qui enrobe la graine, finalement, il y a ce qui n'a peut-être pas aussi été bien anticipé, c'est que il y a que très peu du néonicotinoïde qui est utilisé par la plante, et bien le reste va se diffuser et va se diffuser loin au-delà des cultures que l'on souhaite protéger, notamment dans les fleurs sauvages, évidemment ensuite plus loin dans les cours d'eau, etc. Et ça non plus, ça n'a pas été complètement anticipé, peut-on dire. Oui, alors pour rebondir sur ce que disait Christian Huyghe, il a tout à fait raison. On pensait qu'avec des produits qui étaient si actifs, donc autrement dit si toxiques, il faut dire les choses comme elles sont, hein, pour les insectes ravageurs, on allait en mettre moins. Je vais vous donner un ordre de grandeur. Si je compare la toxicité des néonicotinoïdes pour les abeilles avec la toxicité du fameux DDT qui a été interdit il y a très longtemps déjà, on se rend compte que il est 7000 fois plus toxique pour les abeilles que ne l'était le DDT. Donc ce sont des produits qui sont extrêmement toxiques. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et s'il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, en enrobant juste la semence au moment du semis, eh bien, on pense qu'on va réduire, et ça a été le cas, les quantités de pesticides par un facteur important. Et en gros, je dirais qu'on arrive à réduire par un facteur 5 les quantités de pesticides qui sont répandues à l'hectare. Mais avec un produit qui se trouve être, pour les abeilles, par exemple, 7000 fois plus toxique. Donc je ne sais pas si c'est un bénéfice finalement. 5 fois moins d'un produit 7000 fois plus toxique, pour les abeilles, ce n'était pas une bonne affaire. Alors maintenant, je réponds à votre question plus directement. Effectivement, ces produits-là, on s'est rendu compte que au mieux 20% pénétraient la plante et donc protégeaient la plante des ravageurs. C'est entre 2 et 20%. Tout le reste, c'est dans le sol et ça reste dans le sol. C'est susceptible ensuite, alors soit ça contamine le sol pour les cultures suivantes et donc les fleurs alentours ou les fleurs qui, enfin tout ce qui va pousser. La faune sauvage. Tard. La flore sauvage, pardon. Oui, les fleurs sauvages qui sont très importantes pour les abeilles. Soit il y a une dérive de ces produits parce qu'il y a un lessivage par les pluies comme ces produits sont solubles puisqu'elles sont censées monter dans la sève, ces produits sont lessivés dans le sol puisque c'est l'immense majorité reste dans le sol et va ensuite contaminer les parcelles alentours. Et pour vous donner un ordre d'idée, hein, on s'est rendu compte que des fois on en trouvait plus dans le champ à côté qui n'avait pas été traité que dans le champ lui-même qui avait été traité. Pourquoi ? Parce qu'il y a un phénomène de transfert. Et nous avons publié il n'y a pas très longtemps une étude faite en Amérique centrale où on montre que 10 km à 10 km des champs cultivés, on arrive encore à trouver dans les sédiments les molécules comme les néonicotinoïdes. Donc on ne peut pas dire qu'on traite une zone particulière et qu'il n'y a rien à côté. C'est un peu comme en science. On sait très bien que si on en met quelque part d'un produit, on va en retrouver un peu partout. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est la question de la contamination généralisée. Quand je dis généralisée, c'est sur la planète entière. Oui, parce que j'ai une autre étude qui avait fait beaucoup de bruit d'ailleurs, à laquelle vous pouvez réagir, peut-être Christian Huyghe, c'est une autre étude qui montre qu'on trouve aujourd'hui des traces de néonicotinoïdes dans absolument toutes les cultures, alors à des doses beaucoup moins, bien moindres évidemment, mais y compris dans les cultures bio, y compris dans les cultures qui n'ont pas été traitées, dans 80% des cultures non traitées, j'ai trouvé. Ben en fait, là, pour en compléter le descriptif de ces molécules, celles qui sont utilisées sont des molécules très très stables. Elles sont solubles. Donc elles s'en vont, mais quand il y a un excès d'eau, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait plus d'eau que ce que le sol ne peut contenir, sinon elles restent là. Et surtout, elles sont très très stables, c'est-à-dire qu'elles ne se dégradent pas au fil du temps. Un produit comme l'imidacloprid, dans les bases de données officielles, a une demi-vie de 228 jours. C'est-à-dire qu'au bout de 228 jours après l'application, il y en a encore 50% de ce qui reste qui est présent. Puis si vous multipliez encore par deux, vous en aurez 25% et ainsi de suite. Quoi. Donc en gros, 2 ans après le semis, ce qui n'a pas été absorbé par la plante semée ou par les plantes d'après, il en reste encore 12,5% au bout de 2 ans. Quoi. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve dans des configurations où le milieu globalement en contient de plus en plus, parce que si vous en apportez année après année, et que si vous prenez le chiffre proposé par Monsieur Bonmatin de 20% seulement qui est absorbé par la graine, ben il vous en reste 80%, et vous amusez à faire ce calcul-là au fil du temps, vous avez un milieu qui globalement se charge. Et donc c'est face à cette configuration-là que l'on est aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il l'option vers laquelle il faut vraiment travailler et l'option pour laquelle on travaille et pour laquelle on a commencé à travailler depuis un certain temps maintenant, c'est-à-dire mais comment on reconçoit des systèmes de production de façon à ne pas dépendre d'un produit chimique, mais il faut que le système et les régulations biologiques qui existent dans le système permettent d'assurer la protection des cultures. C'est vraiment un changement total de façon de penser les choses auquel la question des néonicotinoïdes dont on parle nous amène à penser, et il faut vraiment tenir ce cap-là de reconception profonde des systèmes de production. On va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission, évidemment, des substituts. On va voir qu'effectivement, c'est une question assez complexe. Un mot, justement, sur les premières alertes tombent de la part des apiculteurs en 1994. Et pour autant, il faut de longues années, Jean-Marc Bonmatin, pour aboutir à des interdictions et à des confirmations scientifiques de l'extrême toxicité pour les abeilles, parce que les abeilles, eh bien, c'est cet insecte avec cette image positive et puis utilisée par les apiculteurs, évidemment. Mais on se rend compte finalement que ça touche toute l'entomofaune et que ça a certainement une part de responsabilité. C'est évidemment pas toute la responsabilité, mais au moins une part importante de la responsabilité dans l'effondrement des populations d'insectes que plusieurs études récentes, dont une étude allemande qui avait fait beaucoup de bruit il y a quelques années, montrent jusqu'à 80% de diminution des populations d'insectes sur 30 ans. Oui, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est donc dès le début de l'utilisation des néonicotinoïdes en France, donc au milieu des années 90, les apiculteurs constatent des populations d'abeilles importantes. Et c'était pas un problème franco-français, puisque la chose s'est révélée être vraie dans tous les pays de l'Europe, où à peu près, à partir de l'usage des néonicotinoïdes, les pays perdent un tiers du cheptel apicole tous les ans. Alors, heureusement que les apiculteurs renouvellent les abeilles, parce qu'ils sont producteurs de miel, hein, mais on imagine la situation pour les insectes sauvages, donc les abeilles sauvages, celles qui ne sont pas gérées par les apiculteurs. Et donc, si vous avez une perte de un tiers tous les ans, la situation est catastrophique. Et ça corrobore ce qui a été mesuré scientifiquement sur les insectes volants. C'était une étude en Allemagne, où 80% des insectes volants ont disparu en 27 ans. Alors, il y a quand même eu des décisions qui ont été prises. En 1999, un ministre, Jean Glavany, interdit l'usage de l'imidacloprid sur le tournesol. En 2004, c'est l'usage sur le maïs. En 2010, c'est sur le colza. En 2013, c'est un moratoire européen sur 3 néonicotinoïdes, alors qu'en France, on en utilise 5. En 2018, c'est 4 néonicotinoïdes qui font l'objet d'une suspension donc au niveau européen, tous les pays de la communauté européenne. Et puis, il y a cette loi de 2016 qui est votée avec application en 2018 et sans dérogation possible en 2020, qui interdit tous les néonicotinoïdes et toutes les molécules qui ont le même mode d'action en France. Et on est en train de revenir sur cette loi, et donc c'est l'objet de notre discussion. Plus généralement, ce qui est en jeu, il faut bien comprendre, ce sont tous les invertébrés du sol, ou terrestres, mais également les invertébrés aquatiques, puisqu'on a dit que ces produits étaient solubles, ils finissent dans les cours d'eau, dans les flaques, dans les rivières, dans les ruisseaux, dans les fleuves. Et donc, ces invertébrés aquatiques, bon, tout le monde le sait, hein, c'est la base de la chaîne alimentaire sur la planète. Et donc, se pose la question, finalement, de la pérennité de nos écosystèmes et des services qu'ils nous rendent. Le service de pollinisation, la qualité des sols, etc. Et donc, ce sont vraiment tous ces invertébrés, hein, insectes, qu'on appelle généralement insectes, mais que nous on appelle invertébrés du sol ou terrestres ou aquatiques, qui sont menacés et qui sont en train de s'effondrer sur la planète. Et derrière ça, comme la biodiversité, c'est comme un château de cartes où l'homme serait tout à fait en haut, super prédateur, on comprend bien que si on supprime le premier étage du château de cartes, c'est-à-dire les invertébrés du sol, ça pourrait être le zooplancton, hein, pour ce qui est des invertébrés aquatiques. À ce moment-là, il va y avoir des effets en cascade qui ont été mesurés, qui sont prouvés, non seulement sur, par exemple, les prédateurs de ces invertébrés comme les oiseaux ou les amphibiens, ou les reptiles en général, mais également sur les différentes couches. Donc maintenant, on commence à avoir des effets sur des mammifères comme les cerfs, hein, sauvages aux États-Unis, où on se rend compte que ces molécules ont un effet et déciment les populations. Donc, si on supprime la base du château de cartes, il y a de bonnes chances, effectivement, et c'est ça la grande menace, hein, que la biodiversité s'effondre et que tous les services que la nature nous rend, notamment pour nous nourrir, hein, s'effondrent également. Et on va discuter tout à l'heure, puisqu'on va entendre un reportage justement pour voir comment sont faites les études des interactions entre ces néonicotinoïdes et bien justement des petits mammifères ou certains invertébrés. J'aimerais juste un mot, Christian Huyghe, pour conclure cette première partie sur la question des rendements, parce qu'il y a une grande critique qui est venue se surajouter à cette critique de dangerosité qui est faite aux néonicotinoïdes. C'est celle finalement d'une sorte d'absence d'effet sur les rendements des cultures, puisque si on regarde l'augmentation des rendements des différentes plantes de culture agricole, que soit le tournesol, le maïs, etc., eh bien, ces rendements stagnent pour la plupart depuis 20 ou 30 ans. Les néonicotinoïdes n'ont absolument pas permis d'augmenter ces rendements. C'est une réalité. En fait, vous ne pouvez pas comparer les rendements de toutes les espèces et en tirer un cadre général. Bien sûr. En fait, vous êtes face à des espèces qui ont des physiologies très très différentes. Si vous regardez le cas particulier de la betterave sucrière, elle a un rendement qui a augmenté de façon quasi linéaire depuis 1980 jusque 2010-2012 et même 2015 en fait, puisque les plus hauts rendements on les a obtenus cette année-là, et donc une augmentation extrêmement régulière, pratiquement un rendement en sucre mesuré par hectare qui a été multiplié par deux. On a atteint au maximum 15 tonnes de sucre par hectare, c'est en gros 1,5 kg de sucre par mètre carré. Et dans le même temps, on a eu une diminution extrêmement marquée de la fertilisation azotée, donc on est passé de 170 kg d'azote à l'hectare dans les années, au début des années 80, à un peu moins de 100 aujourd'hui. Et donc, on a eu, sur toute cette période-là, une réelle amélioration de la productivité, qui est liée à plusieurs processus. Il n'y a jamais rien qui est lié à une seule cause. C'est l'amélioration des variétés, des levées qui sont plus précoces, parce que on a fait une technologie de la semence qui s'appelait du priming, c'est-à-dire la semence est pré-germée, des variétés qui sont plus productives et qui ont des feuilles qui restent vertes un peu plus longtemps, meilleure résistance aux maladies, en particulier cercosporiose et rhizomanie. Donc il y a eu une vraie augmentation. Mais effectivement, l'amélioration du progrès génétique, elle s'est faite, enfin, ce progrès génétique et son expression s'est faite sous un couvercle de protection chimique vis-à-vis du puceron, qui est clairement quelque chose contre lequel la prémunition est difficile. Voilà, donc il y a eu vraiment une augmentation. La situation est assez différente sur des cultures comme les céréales, par exemple, où il y a eu une augmentation extrêmement régulière jusqu'au milieu des années 2000. Et puis ensuite, on a atteint un plateau. L'explication que l'on donne à ce mécanisme-là, par exemple sur le blé, c'est beaucoup plus. Enfin, c'est un effet extrêmement marqué des premières grandes variations climatiques que l'on perçoit depuis le début des années 2000, avec des maturités qui arrivent de façon beaucoup plus précoce. Quoi. Donc, il faut vraiment séparer les situations. Dans le cas des betteraves, on est vraiment sur une espèce où il y a un progrès génétique en termes de productivité de sucre à l'hectare qui est extrêmement forte et qui met la betterave sucrière européenne en situation de vraiment compétitive vis-à-vis de la canne à sucre importée des pays d'Amérique latine ou des pays d'Asie du Sud-Est. Animal collective sur France Culture à 16h38, puisque nous parlons des abeilles et des néonicotinoïdes tout au long de cette heure, en compagnie de Jean-Marc Bonmatin, qui est chimiste et toxicologue CNRS au Centre de Biophysique Moléculaire d'Orléans, et Christian Huyghe, qui est directeur scientifique agriculture à l'INRAE. Alors, on l'a évoqué bien sûr tout à l'heure, hein, c'est les effets des néonicotinoïdes sur les pollinisateurs d'une part et une large partie des insectes de l'autre sont aujourd'hui prouvés et admis. Reste la question qu'évoquait tout à l'heure Jean-Marc Bonmatin, la question des effets sur d'autres espèces, notamment les espèces aquatiques qui sont exposées via les ruissellements jusqu'aux espèces plus grosses, dont évidemment les mammifères. Les travaux du laboratoire de physiologie moléculaire et adaptation au Muséum d'histoire naturelle de Paris portent sur des modèles animaux pour comprendre l'action de certains néonicotinoïdes sur la physiologie. Et c'est là que vous vous êtes rendu, Céline Lozen. Bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Oui, j'ai retrouvé l'équipe de Barbara Domenech qui travaille sur l'influence des néonicotinoïdes sur le système hormonal et le développement de certaines fonctions comme le système nerveux. Ils ont mis au point une technique d'observation par fluorescence pour mettre en évidence le fait que certains néonicotinoïdes sont bien des perturbateurs endocriniens. Alors même s'ils font leurs travaux essentiellement sur des têtards, leurs résultats sont ajustés de manière à être représentatifs et permettent d'inférer sur la toxicité chez l'humain. Depuis 20 ans, on travaille à la fois sur le têtard et sur les cellules souches neurales de mammifères, de souris. On a travaillé un tout petit peu sur la thiaclopramide, un temps de mélange qui est utilisé sur les pommes. Et ce travail a été fait avec Catherine. De l'enrobage sur les pommes. Oui, de l'enrobage sur les pommes. On a aussi travaillé sur énormément d'autres pesticides, par exemple les pyrethroïdes et sur les néonicotinoïdes. Qu'est-ce que vous avez pu démontrer comme lien ou corrélation entre l'action de ces néonicotinoïdes et une influence sur le système nerveux central ou périphérique hormonal des têtards ou autres mammifères et insectes? Oui, ben, il est bien connu que les néonicotinoïdes affectent non seulement les insectes, mais ils ont des effets bystander, comme on dit, sur d'autres espèces. Évidemment, la perte des insectes a pour effet de diminuer la population des oiseaux. Et de même, on a déjà démontré les effets des néonicotinoïdes sur modèles mammifères, mais aussi on soupçonne des effets sur les êtres humains. Quelle est la démarche que vous utilisez ici pour étudier vos modèles animaux? Là, on parle de têtards. Oui, on utilise deux modèles, le têtard et la souris, les cellules souches de souris. Chez le têtard, on fait deux types de manips, une manip de transgénèse, où on insère une gène fluorescente qui répond aux hormones thyroïdiennes qui sont nécessaires à la fois pour la métamorphose, mais les mêmes types de gènes sont importants pour le développement du cerveau chez l'être humain. Et on utilise aussi la souris. On fait des tests avec ou sans perturbateurs endocriniens, et quand on voit une baisse ou une augmentation de la fluorescence émise par le têtard, on détermine si oui ou non il y a une interférence avec les hormones thyroïdiennes et donc avec la métamorphose ou, par extension, le développement du cerveau chez un enfant. Donc ici, dans ce laboratoire, il y a des endroits où on élève des animaux, des tigres, oui, des oui, murins oui. et oui. des bassins, du coup. Oui, absolument. Donc, on peut aller voir cela. Alors, je suis Sébastien Lebel, donc moi je m'intéresse, je suis surtout spécialisé à tout ce qui est transfert de gènes somatiques ou transfert de gènes germinales chez un modèle amphibien qui est le xénope, qui est un modèle animal très intéressant parce que les hormones thyroïdiennes qu'on peut trouver chez le xénope sont identiques à celles de l'homme. Donc si on peut voir des impacts sur la métamorphose, on peut en déduire que ces perturbations peuvent être aussi présentes chez l'homme sur des gènes qui sont induits par les hormones thyroïdiennes. Qu'est-ce que je vais vous montrer tout de suite. On a des bassins, en fait, on est sur la paillasse et vous avez plusieurs bassins devant vous. Voilà, donc là on est dans une pièce d'expérimentation, notamment pour observer donc nos têtards chez lesquels on a fait du transfert des gènes somatiques dans le muscle strié squelettique. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est une des techniques qu'on utilise beaucoup au laboratoire, qui est du transfert de gènes somatiques dans le muscle. Et là, ce que je vais vous proposer, c'est d'observer en direct. Sur des animaux vivants, c'est l'intérêt de cette technique, c'est qu'on n'est pas obligé de sacrifier l'animal pour observer nos expériences, on le voit directement à l'écran ou avec une loupe binoculaire. Donc là, très concrètement, on a placé l'animal. Donc là, on a placé l'animal sur une plaque à fond noir parce qu'on va être observé en fluorescence, donc on a besoin d'être dans le noir complet. Hein. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce sont des fibres musculaires qui surexpriment une protéine fluorescente. Donc là, vous êtes en train de faire les réglages oculaires. On se met dans l'obscurité totale. Donc là, ce que je vais vous montrer, c'est donc des fibres musculaires qui surexpriment notamment une protéine fluorescente qui est tirée d'un corail. Donc là, je vous laisse observer. Donc, vous allez voir des petites fibres. Ah oui, je vois bien les fibres rouges. Et on voit plein de petites taches sombres. C'est la pigmentation. Ouais. D'accord. Donc l'animal est anesthésié. Mm-hmm. Avant de le faire, la piqûre des gènes. Là, le transfert de gènes a été fait déjà il y a plusieurs jours. L'avantage aussi de cette technique, c'est qu'on peut suivre l'expression, la surexpression d'une protéine fluorescente sur plusieurs jours. Dans quelle mesure on arrive à inférer, parce qu'on reste dans des conditions de laboratoire où les doses sont peut-être pas les mêmes que celles reçues dans la nature, mais on a fait beaucoup d'études sur les doses environnementales et on voit souvent pour le néonicotinoïde qu'on a utilisé, on voit des effets à des faibles doses. Et c'est ça qui nous inquiète, parce que les néonicotinoïdes s'ajoutent à la pyréthroïde, s'ajoutent... C'est le cocktail, en fait. C'est le cocktail qui fait le malheur. Et la persistance, en fait. Ben justement, les néonicotinoïdes ont été introduits parce qu'ils sont supposés être peu persistants. Mais le fait est qu'on trouve, même chez les êtres humains, des concentrations inquiétantes de néonicotinoïdes et évidemment d'autres produits. Voilà le reportage du jour dans le laboratoire de physiologie moléculaire et adaptation au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Une réaction l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Christian Huyghe? En fait, vous avez une description de l'ensemble des travaux qu'il faut mener pour réussir à comprendre des processus, à les éclairer, et où vous avez l'utilisation de toutes les technologies les plus fondamentales, y compris les transferts de gènes, pour réussir à comprendre les processus qui sont touchés par telle et telle molécule. Et là, effectivement, à la fois un travail sur les néonicotinoïdes et un travail plus global sur l'ensemble des perturbateurs endocriniens, sachant que il y a eu des travaux de l'ANSES qui ont et une saisine pas trop ancienne, mais je n'ai plus la date en tête, regardant l'application ou le classement plutôt de l'ensemble des néonicotinoïdes comme perturbateurs endocriniens. Je crois qu'il y a essentiellement le tiaclopride, qui était classé comme perturbateur endocrinien, mais il y a eu des spéculations sur les autres. Mais donc c'est un travail, ça montre en fait surtout l'ensemble de la complexité des travaux qu'il faut faire pour élaborer un savoir scientifique et le mettre à disposition de la construction d'une décision de politique publique. Jean-Marc Beaumatin. Oui, moi j'ai déjà parlé des effets indirects sur les oiseaux, sur les amphibiens, d'ailleurs on en reparlait des amphibiens là, des reptiles, et puis je voudrais noter les poissons avec cet exemple japonais où dans le bassin versant de zones de culture où on utilisait des néonicotinoïdes, les invertébrés aquatiques ont disparu et les poissons ont disparu, des poissons typiques d'un lac qui était pêché depuis toujours, et donc on sait qu'il y a des effets sur les poissons. Quand il s'agit de mammifères et de en particulier de santé publique, alors là, je vais vous citer les faits qui sont publiés. Donc, il y a des phénomènes de cancer, et en particulier le foie, la thyroïde, les testicules, qui sont liés à l'usage des néonicotinoïdes. Cet effet perturbateur endocrinien dont on vient de parler, ça induit des maladies du spectre autistique, qui sont bien connues, donc, parce que c'est le neurodéveloppement du cerveau des enfants qui est touché, les malformations cardiaques, les malformations du cerveau. Donc, tout ça, ça a été publié et alors, c'est connu. Oui, c'est, alors, juste Jean-Marc, bon matin. Là-dessus, il faut mettre tout de même des précautions épistémiques autour de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des publications qui sont encore relativement contestées. Il y a des corrélations qui ont été établies. La causalité, c'est encore un peu difficile parce que il y a beaucoup de questions sur le fait de pouvoir isoler la seule responsabilité des néonicotinoïdes sur ce type de pathologie. Elle est suspectée, mais elle n'est pas encore complètement avérée. Il faut être un peu prudent, non, me semble-t-il. Elle a été prouvée chez les cerfs et les biches aux États-Unis. Les cerfs et les biches ne sont pas des êtres humains, par ailleurs. Qui a été faite. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup de volontaires chez les êtres humains. Mais ce qui a été montré, par exemple, c'est que la première urine des bébés qui ont des malformations du cerveau au Japon, cette première urine contient un métabolite de l'acétamipride, autrement dit un métabolite d'un néonicotinoïde. Et ça, c'est très inquiétant parce que une des hypothèses de départ, c'est que ça ne passait pas la barrière placentaire, par exemple. Encore une hypothèse qui s'est avérée fausse. Donc je dis qu'il faut être très prudent avec la santé publique, puisque j'ai cité un certain nombre de maladies où on a des corrélations. Il y a des études qui font des démonstrations et je dirais que là, on est en plein dans l'inconnu, mais l'inconnu qui se précise chaque jour comme étant de plus menaçant. Bien sûr. Loin de moi de l'idée de vouloir défendre les néonicotinoïdes particulièrement, mais juste préciser que corrélation n'est pas causalité et qu'il faut être prudent avec ces études parce que toutes ces pathologies sont tellement multifactorielles qu'il est souvent difficile d'isoler la responsabilité d'un produit, même si, évidemment, il y a des suspicions qui demandent plus d'investigations pour pouvoir être confirmé. Peut-être une réaction à cela, Christian Huyghe. Vous avez raison sur l'ensemble des préoccupations qu'il faut prendre. Moi, je ne me prononcerai pas du tout sur ce que vient de dire M. Bonmatin. L'expertise de quelqu'un s'arrête à son champ de compétences et c'est clairement pas la mienne. Très bien. Je suis agronome et ça me va très bien. Très bien. Peut-être, est-ce qu'on pourrait parler dans les 10 dernières minutes qui nous restent de la question de la substitution? Parce que vous l'avez dit, Christian Huyck, tout à l'heure, cette question de la substitution des néonicotinoïdes, elle est très complexe parce que, eh bien, comme il s'agit d'un insecticide systémique, eh bien, on le remplace non pas par un produit, mais par plusieurs produits. Donc, on augmente à nouveau les doses de pesticides. Comment faire? Est-ce qu'il y a des solutions qui seraient des solutions naturelles? Quelles sont les options dont dispose aujourd'hui le monde agricole? Alors, quand on utilise le terme alternative ou le terme substitution, globalement, on introduit l'idée qu'on va chercher un produit qui va faire à peu près la même chose, ou une gamme de produits. Et effectivement, les premières réflexions qu'il y avait eu autour de cette question-là, ça consistait à explorer d'autres biocides appliqués soit en traitement de semences, soit plus vraisemblablement en traitement de végétation, oui, où en gros, on attend que le puceron arrive et quand il arrive, on cogne dessus pour le faire disparaître. En fait, on voit aujourd'hui les limites de l'ensemble de ces approches parce que, bah, comme le disait M. Bonmatin, on a un impact extrêmement marqué de l'ensemble des produits qu'on apporte sur le milieu et puis on se retrouve à contribuer à cet effondrement de la biodiversité. Et en fait, plus que la masse d'insectes, ce qui est important, c'est de regarder en fait les chaînes de régulation qui jouent. Et de fait, quand vous tuez la base de la pyramide, l'ensemble a du mal à fonctionner. Donc, sur cet exemple-là, on est invité à réfléchir beaucoup plus largement en disant, je sors de l'idée que j'ai une option, je regarde quel est le cocktail d'options qui peut permettre d'avoir une régulation suffisante de l'insecte. Et donc de sortir de l'idée que pour que ça fonctionne, il faut pas que j'ai besoin de le tuer systématiquement. Et en fait, il y a trois grands leviers sur lesquels on peut jouer. Le premier, c'est et ils sont pas dans l'ordre chronologique, ils sont tous les trois à utiliser et à articuler. Le premier, c'est est-ce que je peux jouer sur ce triangle particulier qu'est la betterave, le puceron et le virus, en particulier en faisant en sorte que quand le virus est là. En fait, il se multiplie pas dans la plante. En fait, le virus, il se multiplie et il a un effet parce que, à un moment, il détourne à son profit une voie métabolique de la plante. Et donc, est-ce qu'on est capable de jouer là-dessus en utilisant des produits? Il y a des produits qui sont des produits naturels, avec tous les guillemets que vous pouvez mettre autour, mais des produits qui seraient potentiellement plaçables en produits de contrôle qui pourraient être utilisés pour réguler ces voies-là. Donc, par exemple, quel type de produit? Oh, je vais pas vous donner leur nom, des produits, on a que la formule chimique, ce sont des produits très compliqués, hein, pas des produits d'usage courant, hein. Des produits très compliqués qui existent dans le métabolisme des plantes et qu'il faut utiliser pour, en gros, contrôler cette déviation. Donc ça, c'est la première voie. C'est pas forcément la voie qui est la plus facile à utiliser, et en tout cas pas celle sur laquelle on a aujourd'hui les plus grandes avancées. Deuxième voie, c'est jouer sur la plante, en fait, sa capacité à supporter une attaque de virus. Et donc, c'est la voie génétique, des betteraves résistantes aux viroses. En fait, on en a, mais pas sur toutes les viroses. C'est pour ça que le fait que le puceron vert amène 4 viroses différentes complexifie beaucoup la donne. On a des résistances sur une ou peut-être deux de ces viroses-là. On termine un très gros projet de recherche soutenu par l'ANR dans le cadre des projets d'investissement d'avenir première génération, projet qui s'appelle l'ACER, et qui a cherché à augmenter énormément la diversité génétique disponible pour la sélection au sein de la betterave cultivée. On a réussi, avec un processus intéressant, à multiplier par deux la diversité disponible. Alors, on a recherché des ressources génétiques dans les betteraves qui existent en bord de mer, les betta maritima, qui sont une espèce qui ne font pas de racines. Et donc, on a aujourd'hui, dans ce matériel qui est extrêmement original et qui est de très haut niveau agronomique, maintenant, on a du matériel qui présente une résistance très intéressante au virus. Donc, il faut continuer là-dessus. Et troisième, j'accélère un peu parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps et j'aimerais entendre Jean-Marc Bonmatin sur cette question. Et donc, le troisième, c'est je vais jouer sur le puceron lui-même. Et donc, c'est vraiment une voie qui est au cœur de ce que l'on veut faire. Comment on fait en sorte que le puceron, quand qu'il n'arrive pas tout seul sur un terrain vide? Et donc, c'est comment on fait à l'échelle d'un territoire ou à l'échelle d'une parcelle agricole pour augmenter les régulations biologiques. Donc, il faut d'une part mettre avec la betterave des espèces qui vont faire en sorte que le puceron, il a pas trop envie de venir, parce qu'il n'aime pas ça. Ça, c'est les coccinelles, par exemple? Et en même temps, monter les régulations biologiques, donc faire en sorte qu'il y ait des endroits où il y a beaucoup de coccinelles, et puis d'autres régulateurs, hein, des cirfs et des chrysopes. sachant que c'est les larves de coccinelles qui mangent les pucerons et pas les coccinelles. Et donc faire en sorte qu'à proximité des champs de betteraves, on ait cette population de guerrières et de guerriers qui vont arriver pour contrôler le puceron, qui vont le contrôler en amont pour qu'il n'y en ait pas trop, et qui vont le contrôler très très vite dès qu'il va arriver. Mmh. Et donc en fait, ce que l'on voit, c'est un équilibre qu'il faut trouver entre des betteraves résistantes, des betteraves, des produits qui vont réguler la relation avec la virose, et puis surtout peser sur ces virus, sur ces pucerons, avec la difficulté qui est extrêmement importante, c'est que pour avoir de la régulation, il faut qu'à un endroit, il y ait des pucerons. Et donc, ça, c'est peut-être un peu contre-intuitif, mais on a vraiment besoin de ça. Et on sait que, et on démontre, c'est très documenté, que quand les parcelles sont très, très grandes, c'est difficile d'avoir ces régulations-là. Mmh. Et donc, ça pose la question de l'évolution totale et de repenser de changer un peu notre approche et le cadre d'analyse que l'on a, et aussi de changer les paysages agricoles. Bien sûr, et d'éviter d'aller à l'encontre du remembrement qu'on vit depuis les années 70. Je vous interromps, Christian Huyghe, parce qu'il reste peu de temps et j'aimerais entendre Jean-Marc Bonmatin sur ces solutions. Est-ce que vous y croyez? Parce que aujourd'hui, on voit la réintroduction partielle. On sait qu'il y a possiblement encore d'autres néonicotinoïdes qui sont autorisés dans d'autres pays. Qu'est-ce qu'il faut faire en quelques mots? Parce qu'il reste plus énormément de temps, malheureusement. En quelques mots, très succinctement, on a un problème de virus. Donc on devrait régler le problème de virus et non pas s'attaquer au puceron qui n'est que le vecteur du virus, déjà, première chose. Et si on s'attaquait au puceron, il faudrait être sélectif sur le puceron. Les néonicotinoïdes ne sont absolument pas sélectifs, ils tuent tous les invertébrés. Donc c'est, à mon avis, pas la bonne voie. Au sens des alternatives, ce qui est important pour moi, c'est de faire de la prévention. La prévention, c'est-à-dire, c'est se mettre dans une situation où les pucerons ne vont pas venir s'attaquer aux cultures. Donc on fait des rotations de cultures, il y a des techniques agronomiques, il y a des techniques qui consiste à changer un peu les paysages. On peut utiliser des micro-organismes ou des organismes prédateurs, les prédateurs des pucerons, mais on peut aussi utiliser les parasites de ces pucerons ou les parasitoïdes en général, leurs maladies. Il faut favoriser tout ça et se mettre dans une situation de prévention où finalement on aura besoin peut-être d'utiliser des insecticides certainement moins toxiques que les néonicotinoïdes, mais juste au bon endroit, au bon moment et à la bonne dose. Or, ce qui est proposé aujourd'hui, c'est d'utiliser les insecticides les plus puissants, les plus larges, et de façon préventive, sans même savoir si l'année prochaine, les betteraves vont être attaquées par ces pucerons. Donc, il me semble que là, on ne suit pas la bonne voie. Voilà, je pense qu'il faut développer des techniques alternatives. Il y en a pas mal qui existent sur beaucoup de cultures. On a parlé de maïs, de tournesol, de colza, et ça marche très bien. Les rendements ne se sont pas effondrés. Je pense que les betteraviers peuvent faire la même chose, si peu qu'ils soient aidés, d'une part par la science et par les pouvoirs publics quand il y a des moments difficiles à passer, parce que je veux bien qu'on les aide, ces betteraviers qui perdent 10% des cultures, sachant que j'ai entendu Christian Huyghe dire que les rendements avaient augmenté de 200%. Donc perdre 10 à 15% quand on a augmenté de 200%, ça me paraît quelque chose de jouable, quoi. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'être venus nous parler de ces néonicotinoïdes. Merci Jean-Marc Bonmatin, merci Christian Huyghe, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Céline Lezen, François Malordi, Natacha Triou, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Nasser Moussaoui à la technique. Demain, nous tâcherons de remonter loin, très loin dans l'espace-temps. Nous irons explorer l'univers jeune à la recherche de la formation des toutes premières galaxies. Ce sera demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.